Est-ce que quelqu'un a un ou des psaumes favoris parmi les 150 psaumes? Si oui, quelqu'un peut me dire, une personne à la fois pour que les autres entendent. Est-ce que vous avez un psaume ou des psaumes favoris parmi les 150 psaumes de la Bible? Oui, ma sœur? Psaume 139, un beau psaume. Quelqu'un d'autre? Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Psaume 139, l'Éternel, tu me sens et tu me connais. Mon frère? Hein? Psaume 1 et 2, et oh, l'homme qui ne mange. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres psaumes? Oui, ma sœur? Psaume 27. 25, l'Éternel, tu me cherches. Oui. Psaume 119. Ah, ça, le plus long psaume de la Bible qui parle de la parole de Dieu. Moi, j'ai beaucoup de psaumes favoris. Mais le psaume 46 est l'un de mes psaumes favoris. Le psaume 46. Pour quelle raison? Parce que ce psaume me parle de la protection du Dieu Tout-Puissant dans toutes les circonstances de ma vie. Martin Luther s'en est inspiré pour composer les paroles du cantique « C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armée. » Qui connaît ce chant? « C'est un rempart », un beau cantique. Lisons maintenant le psaume 46, 1 à 12. Psaume 46, 1 à 12. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Prions, frères et sœurs. Notre Seigneur, notre Dieu, combien nous sommes contents de venir à tes pieds, sachant que tu nous exauces. À l'instar de ton serviteur, nous aimons te dire, parle. Tes serviteurs et tes servantes, écoute. Merci pour ta parole. Je te demande, Père, de m'aider à ce que ton peuple le comprenne par ton Saint-Esprit, de m'aider à la transmettre comme tu sais toujours et si bien le faire. Merci Père pour ce que tu vas faire, au-delà de tout ce que je te demande. Par Jésus-Christ, je te prie. Amen. Donc nous venons de lire le psaume 46. Qui a écrit le psaume 46? Le verset premier nous donne la réponse. Ce psaume fut écrit par les fils de Corée. Lorsque la Bible parle de Corée, elle ne parle pas de Corée du Nord ou de Corée du Sud. Donc, qui était Corée? Corée était un Lévite, c'est-à-dire un homme de la tribu de Lévi qui était au service d'Aaron, de toute l'assemblée, du tabernacle et des sacrificateurs. Malheureusement, en Nombre, chapitre 16, l'histoire des familles de Corée, Dathan et Abiram est un triste épisode de la vie du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces trois chefs, Corée, Dathan et Abiram, ils menaient une rébellion contre l'autorité de Moïse et d'Aaron, sous prétexte que le peuple était saint et que l'autorité ne pouvait demeurer seulement entre les mains des deux frères, Moïse et Aaron. Moïse s'en remet au jugement de Dieu, qui a châtié sévèrement Corée, Dathan et Abiram. En Nombre, chapitre 16, verset 32, on peut retourner. Nombre, chapitre 16, verset 32, la Bible nous dit, « La terre ouvrit sa bouche. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs enfants et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. » Verset 35 de Nombre, chapitre 16. « Un feu jaillit venu de l'Éternel et dévora les 250 hommes qui offraient le parfum. » Et en Nombre, chapitre 26, verset 11, la Bible nous dit, « Les enfants de Corée ne moururent pas. » Donc, ses fils furent l'objet d'une grâce particulière de la part de Dieu. Et ils ont écrit plusieurs psaumes de la Bible, les psaumes 42 à 49 et psaumes 84 à 88. Dieu est-il pour toi un refuge? Pour aborder la question, j'aimerais considérer les trois points suivants. Dieu est le seul refuge. Deuxième point, comment faire de Dieu notre refuge? Et enfin, répondre à la question, pourquoi choisir Dieu pour notre refuge? Passons à notre premier point. Dieu est le seul refuge. Depuis la désobéissance de nos premiers parents à l'ordre de l'Éternel, en Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La Bible nous dit en Romains 5, verset 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Donc depuis ce moment tragique, tous les problèmes commencent, et ceux-ci sont inévitables. Pour quelle raison? Parce que nous vivons encore en Genèse chapitre 3. Mais au-delà de tous les problèmes, la Bible nous rappelle une vérité importante, à savoir que Dieu est pour nous quoi? Un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que nous avons déjà remarqué la richesse de ce verset? La Bible nous dit, premièrement, Dieu est pour nous un refuge. Deuxièmement, Dieu est pour nous un appui ou bien une force. Et troisièmement, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'aime bien utiliser les différentes versions de la Bible. Donc, le verset 46, le psaume 46, verset 1er, dans la version Semeur, nous lisons, Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Dans la version seconde, 21, nous lisons Dieu est pour nous, vous pouvez lire avec moi, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Version Martin, Dieu est notre retraite, notre force et notre secours dans les détresses, et fort aisé à trouver. Enfin, dans la version Darby, Dieu est notre refuge et notre force, et un secours dans les détresses toujours facile à trouver. Qu'est-ce qu'un refuge? Un refuge, le mot refuge signifie abri, espoir, confiance, forteresse, un lieu de protection où vous et moi sommes en sécurité. Par exemple, lorsqu'il pleut, lorsqu'on marche dans la rue et il pleut, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un abri. La Bible nous parle des trois passages qui nous présentent les six villes refuges. En Josué 20, en Nombre 35, 22 à 28, et Deutéronome 19. Donc ces trois passages nous présentent les six villes refuges. À quoi servaient ces villes refuges? Lorsque quelqu'un avait commis involontairement un meurtre, il s'enfuyait vers une ville refuge pour échapper aux vengeurs afin d'être en sécurité. Sa délivrance se trouve seulement à l'intérieur de la ville refuge. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce matin, que être proche de la ville refuge ne suffit pas. Être à la porte de la ville refuge ne suffit pas. Être au courant de l'existence d'une telle ville refuge ne suffit pas. Pour être en sécurité, pour être à l'abri, nous devons nous réfugier en qui? En Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Pour quelle raison? Parce que sans Christ, nous sommes perdus. Et la colère de Dieu demeure sur nous. Mais heureusement, la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et j'aime bien la parole de Dieu, en Actes chapitre 4, verset 12. La Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Vous pouvez lire avec moi, parce que vous dormez, vous allez vous réveiller. Ok, on commence. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, et ce nom est Jésus et Jésus seul. Grâce au sacrifice du sang de Jésus sur la croix, nous pouvons éviter, frères et sœurs, la plus terrible des souffrances, la séparation éternelle d'avec Dieu. Parce que Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils Jésus-Christ souffrir et mourir à notre place, afin que nous ne soyons plus condamnés à souffrir pour l'éternité. Un verset que vous connaissez, je pense qu'il est écrit, oui, dans Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ est-il votre refuge ce matin? Si Jésus n'est pas votre refuge, vous êtes hors de ce refuge. Venez maintenant vous réfugier en Jésus-Christ. Comment? En mettant votre foi en Christ pour obtenir le pardon de vos péchés. Ses bras de sécurité vont vous entourer pour l'éternité. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui veut recevoir en ce moment Jésus comme son sauveur et Seigneur, il peut nous le dire à la fin du culte. Nous venons de lire que Dieu est pour nous quoi? Un refuge. Pour ceux d'entre nous qui connaissons Jésus, le fait d'avoir Dieu comme notre refuge ne signifie pas que nous soyons exempts d'une crise cardiaque, d'un cancer, d'une crise familiale, d'une déception, d'un abandon, des difficultés financières, d'une fausse accusation, d'un échec, etc. Mais la Bible nous dit que dans ces moments difficiles, je peux avoir un verre d'eau s'il vous plaît, Dieu veut que nous venions à lui, car il est notre seul refuge et l'unique rempart de notre vie. N'attendons pas, frères et sœurs, d'avoir des difficultés pour nous réfugier vers lui. Dieu est un refuge éternel. C'est pour cette raison, vous allez voir que j'utilise la Bible pour parler de refuge, refuge, refuge. Pour quelle raison? Parce que je veux vous montrer le Dieu que nous servons est un refuge. Merci beaucoup. Ça va me coûter cher. Oui. La bonne eau, merci. Et je pense qu'il y a d'autres frères qui sont allés chercher. Dans Psaume 61, dans Psaume 62, versets 6 à 9, qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre... Je savais, je vous l'ai dit, hein? Je le bois quand même parce que sinon, il va pleurer. Hein? Merci. Je pense qu'il y a d'autres qui vont arriver. Hein? Oui, le Seigneur vous dit ce matin, frères et sœurs, en tout temps, peuple de Victoriaville, verset 9, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. Voulez-vous faire de Dieu votre refuge? Avez-vous un abri lors des tempêtes de votre vie? Beaucoup de gens cherchent un refuge en Dieu, malheureusement, quand tous les autres moyens leur font défaut. Et pourtant, la Bible nous invite à nous réfugier en Dieu en tout temps. Verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. En tout temps signifie quand, quoi? En tout temps. Que ce soit en grec, en espagnol, en français, en hébreu, en tout temps signifie tout temps. Confiez-vous en Dieu. Dieu est votre refuge. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche ou qui trouve son refuge en l'Éternel. Heureuse la femme qui trouve son refuge en l'Éternel. Il y a une idée tirée de sa parole pour aujourd'hui, le 11 juillet 2017. L'auteur dit, « Dieu est non seulement le refuge à toute épreuve, mais aussi le phare qui transperce la nuit pour nous guider à travers l'ouragan. » Dieu ne nous demande pas d'analyser les circonstances, de calculer la force du vent ou de prédire la durée de la tempête. Non, Dieu ne nous demande que deux choses, lesquelles? La confiance et l'obéissance. Confiance et obéissance. Qui est votre refuge ce matin? Votre mari? Bac, mauvaise nouvelle. Votre épouse? Mec, ça c'est bien. Hein? Votre compte en banque? Mec. Vos polices d'assurance? Vos régimes et vos plans pour l'avenir? Il n'y a rien de mal avec ces choses. Parce que la Bible nous exhorte à être prudents dans la planification pour l'avenir. Mais le danger est de faire de ces choses notre refuge au lieu de nous réfugier en Dieu. Nous venons de voir que Dieu est pour nous un refuge. La Bible nous dit que Dieu est pour nous un appui, c'est-à-dire une force. Le mot force signifie puissance. Et j'aime bien la parole de Dieu en Ésaïe 40, verset 9, qui nous dit, « L'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quelle promesse! Que faire si la situation échappe à notre contrôle? Vers qui nous tourner quand les circonstances semble désespéré. Frères et sœurs, choisissons de nous confier en Dieu et rappelons-nous que l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son règne. Ce qui est intéressant, même si on vit des moments difficiles, comme vous venez de chanter, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Dans les moments difficiles, le Saint-Esprit nous rappelle un chant. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Enfin, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand tout s'écroule autour de nous, quand le mari qui nous disait, je ne pouvais pas vivre, je ne peux pas vivre sans toi. Lors de la première rencontre, c'était chéri, doudou, toutes sortes de noms. Et après quelques mois, il n'ose même pas citer ton nom. Ou bien il oublie ton nom. Quand tous les gens en qui vous faites confiance vous abandonnent, demeurons dans les bras pleins d'amour de Dieu, de celui dont le secours est toujours disponible en abondance et qui nous dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui vient, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Frères et sœurs, remarquez que c'est un ordre, ce n'est pas une suggestion. L'Éternel nous dit, je vous suggère, non, il nous dit, ne crains rien, je viens à ton secours. C'est pour cette raison que j'aime bien les paroles du psaume 121 qui parle de la protection et du secours de Dieu. Le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et ce qui est intéressant, il répond même à la question. Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite ce matin, Dieu nous invite ce matin à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Pour quelle raison? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. J'ai une question pour vous et pour moi. Nous connaissons le verset, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pourquoi? Question adressé à chaque personne. Pourquoi vous et moi avons parfois de la difficulté à faire confiance à Dieu pour être secouru dans nos besoins? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse, un élément de solution? Peut-être, je ne sais pas si cela vous arrive. Moi, il m'arrive parfois de faire confiance et sachant tout ce verset. Oui, ma sœur, parce qu'on l'a pas expérimenté. Une autre réponse? Oui, mon frère en arrière. Dieu nous met à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve. Oui? Autosuffisant, c'est bien. C'est bien. Autre réponse? J'aimerais, parce que je cherche un mot. On ne connaît pas assez Dieu. Ah, c'est bien. On a peur de lui demander. C'est bien, oui? Manque de foi. Manque de foi. Ah, c'est ça. Ah oui. Je savais qu'elle lisait mes notes. Oui, toutes ces réponses sont bonnes. Oui, mais parfois, on est orgueilleux. Comme le frère a dit, on veut être indépendant, autonome. Et quelqu'un a dit, parce qu'on ne connaît pas Dieu. Oui, cela nous amène à notre deuxième point. Comment faire de Dieu notre refuge? Premièrement, c'est en connaissant qui est Dieu. Et lorsque la Bible nous parle de la connaissance de Dieu, cette connaissance n'est pas seulement intellectuelle. Elle implique une relation intime, profonde et personnelle avec Dieu. Et Dieu se révèle à nous à travers sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Psaume 9, 9 et 10. Ensemble, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Et en Nahum, chapitre 1, verset 7, la Bible nous dit, l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Et le psaume 91, psaume 61, tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Le psaume 91, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Qui a déjà vu des poussins lorsque ces poussins ont peur ou bien lorsque la maman poule remarque qu'il y a un danger? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle couvre ses poussins de ses ailes. On a déjà même remarqué qu'il y a une mère poule, je pense qu'une maison avait pris feu, et la mère est morte. Et après, ses poussins étaient en sécurité, étaient vivants. L'Éternel te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. L'image de Dieu qui nous couvre de ses plumes évoque la consolation et la protection. Nous pouvons ainsi surmonter les problèmes dans la mesure où nous faisons de Dieu notre refuge. Dans la mesure où nous avons nos yeux fixés sur Dieu et sur Dieu seul. Je ne connais pas votre situation ce matin. Est-ce que vous vous sentez incompris, rejeté en ce moment? Vous inquiétez-vous de l'avenir de l'Église, de votre travail, de vos finances, de votre relation, de votre famille? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui prisonnier des circonstances qui affectent chaque domaine de votre vie et vous empêche de bien dormir? Quelle est votre situation ce matin? J'aimerais vous rappeler ce verset. L'Éternel est un refuge pour le faible. Si vous êtes faible, si vous vous sentez faible, l'Éternel est un refuge pour vous. Un refuge pour le malheureux dans la détresse. Un abri contre la tempête. Un ombrage contre la chaleur. Ésaïe 25, verset 4. Frères et sœurs, voilà les caractéristiques du Dieu que nous servons. Tournons-nous vers celui, vers le Dieu dont le nom est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Comment faire de Dieu notre refuge? En passant du temps avec Dieu dans la prière, dans la lecture de sa parole et dans la méditation. Comment est notre vie de prière? Est-ce que nous avons un moment où nous sommes seuls avec Dieu dans sa parole et dans la prière? Je le dis à ma honte, le temps que je passe au téléphone ou bien le temps que je passe à écouter les nouvelles sur Internet, dépasse de très loin le temps que je passe avec Dieu. Qu'en est-il de chacun de vous ce matin? Je sais que vous êtes spirituel, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas, ou bien vous n'êtes pas comme moi. Imaginons, frères et sœurs, un instant, comment serait notre vie de couple si les deux époux priaient ensemble le matin, le midi et le soir. Imaginons un instant comment serait la vie de notre Église si nous nous réfugions à genoux devant Dieu pour intercéder pour nos leaders, nos frères et sœurs, notre famille, notre épouse, nos enfants, le gouvernement. Dieu s'attend à ce que vous et moi passions chaque jour du temps en sa compagnie. À l'exemple de Jésus qui, à plusieurs reprises, s'est retiré à l'écart, seul pour prier Dieu. Et la force qu'il recevait dans la présence de son Père était essentiellement nécessaire pour continuer le travail qu'il était venu accomplir. Comment faire de Dieu notre refuge? En identifiant quoi? Nos peurs et nos craintes. Quelles sont vos peurs et vos craintes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une réponse? Parce que moi, j'ai écrit des réponses. Qu'est-ce qui vous fait peur? De quoi avez-vous peur? Quelles sont vos craintes? Je sais, c'est un peu personnel. Si c'est personnel, vous ne travaillez pas pour Jean Coutu. Jean Coutu a la marque personnelle. Oui, mon frère? Qu'est-ce qui vous fait peur, vos craintes? J'ai la réponse ici. C'est bien? Ma crainte de vieillir. Moi, j'ai peur d'être malade. Oui, c'est bien. Deux réponses, oui. Pas nous, moi. Ok, nous, on va dire nous. Oui, ok, parle vous, c'est bien. Ok. C'est vrai, oui, c'est bien. La crainte des hommes, oui, la crainte, comme j'ai vu à vendre. Frères et sœurs, pour ceux qui ont cette crainte, j'aimerais vous rappeler la parole de Dieu qui dit, je bâtirai quoi? Mon Église. L'Église ne m'appartient pas, elle ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Dieu, il a déjà son plan pour l'Église de Victoriaville. À nous de nous confier en lui. Et si... La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je sais que Dieu est tout puissant, il fera manifester sa gloire afin que nous lui rendions encore gloire, si ce n'est pas vrai. Parce que la Bible nous dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Faites confiance à Dieu et vous allez voir la puissance de Dieu dans votre vie. Oui, la crainte de vieillir. J'en ai peur. J'ai peur de vieillir. La crainte de la maladie. La perte d'un emploi. Ma crainte financière. Ma carrière. Ma crainte d'être encore célibataire. Un besoin d'amis. Je combats peut-être une dépression. Ma crainte face à l'avenir de mes enfants. L'approche de la retraite me fait peur. Pour ceux qui prient pour le salut de leurs enfants et qui n'ont pas obtenu encore de résultats, je vous dis ce matin, persévérez. Dieu, en son temps, va répondre à nos prières. Parce que Dieu est fidèle et juste, le Dieu que nous servons. J'aimerais vous dire ce matin, quelle que soit la situation difficile, douloureuse à laquelle nous faisons face, apprenons à nous confier en celui qui nous dit « Ne crains rien ». Non seulement ce qui est bien, il nous dit « Ne crains rien », il nous donne la réponse. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Peut-être certains ont peur des attaques du diable. J'aimerais vous dire que Dieu nous protège des attaques de Satan. Il nous a sauvés des griffes de la mort au prix de la vie de son Fils. Puisons notre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Comment? En nous revêtant de l'armure de Dieu. En Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 19. Frères et sœurs, rappelons-nous que nous sommes toujours vainqueurs par celui qui nous a aimés et que rien ne peut, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Ce qui nous amène à notre troisième point. Pourquoi choisir Dieu comme notre refuge? Je suis content parce que personne ne m'a donné l'heure, parce que moi je suis en vacances, je vais prêcher jusqu'à... Vous connaissez les Haïtiens et les Africains? On vient prêcher jusqu'au soir. Pourquoi choisir Dieu pour notre refuge? Ce qui est bien, en Haïti, il n'y a pas de montre. Parce que Dieu est le Dieu éternel. En parlant de Haïti, il n'y a pas de montre. Je suis allé prêcher à une église et puis j'ai demandé au pasteur et j'ai combien de minutes? Il m'a dit, tu as tout le temps, prends tout le temps nécessaire. Mais sache, à 11h, l'église... Il me dit, à 11h, tu vas être seul à l'église. Pourquoi choisir Dieu comme notre refuge? Parce que Dieu est le Dieu éternel. Deutéronome 33, verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et que tu aies donné un conseil à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et j'aime bien les paroles de Dieu qui dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Amen. Deuxième raison pour laquelle nous devons choisir Dieu comme notre refuge, parce que sa présence nous protège. Au verset 2 du psaume 46, la Bible nous dit, « Dieu est pour nous un refuge. » Verset 8, 12, « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Frères et sœurs, je ne sais pas si vous le remarquez, lorsque nous remettons les problèmes dans les mains du Seigneur avec, par des prières et des supplications avec des actions de grâce, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous donne sa paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Même si tous les gens se soulèvent contre nous, ne craignons rien parce que Dieu est avec nous. Je ne sais pas en ce moment quel malheur vous frappe. Ça peut être la perte d'un être cher, de votre santé. Vous en arrivez même à croire que vous êtes seul dans cette situation. Mais le Seigneur vous dit ce matin, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. C'est de cette présence dont le Seigneur parle lorsqu'il nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est quand la fin du monde? Qui connaît la fin du monde, la date? Personne, moi non plus. Mais je sais une vérité, c'est que le Seigneur me dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours signifie tous les jours de maladie comme les jours de joie. Il y a quelqu'un en arrière qui regarde sa montre. Je vais terminer. Pourquoi choisir Dieu pour notre refuge? Parce que Dieu est le Dieu éternel. Il est le Dieu des armées. Quel encouragement de savoir que l'Éternel est notre éternel des armées. Jamais l'Éternel n'a perdu une bataille. Rappelons-nous les paroles de David. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ceux qui se sont appuyés sur leurs chars, verset 9, ils plient et ils tombent. Et nous qui invoquons le nom de l'Éternel, nous tenons ferme et restons debout. Frères et sœurs, j'ai fait exprès dans ce sermon, j'ai choisi beaucoup de passages. Pour quelle raison? Ces passages nous aident à mieux connaître le Dieu que nous servons. Frères et sœurs, peu importe la situation, rappelons-nous que Dieu est pour nous quoi? Un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu nous aide chaque jour à nous rappeler sa parole, qui est une vérité dans notre vie. Et pour ceux qui regardent leur montre, c'est terminé. Que Dieu vous bénisse.